Quel travail. Les grands salles passent dans la maquette, acheter provision gros. Pour le pot dans la qui pas pour l'IA. Qu'on est le bas, qu'on est si c'est dans le dernier. Les grands salles, si vous campez dans la porte là, après les papas pères. Rétez, oui, comme vous. Faire sport, oui. Attention grand monde, faut pas m'arrêter.